j'aille en première, ce cloud au-dessus des lois. Quoi qu'il en soit, je te raquette tes chaussures, Yannick Noah. Grosse paire de couilles, je suis dans le vaisseau père. L'argent n'a pas d'odeur, mais la fouine a du flair. Mercedes Benz, pourquoi tu louches? Je vais mettre du savon sur mon gun, bande bouche. Bonsoir, viens faire le malin pour voir. Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Ces rappeurs font l'aumône, street swag et les survettes. Fructueuse est la recette. Si la chance me tourne le dos, c'est pour que j'apprenne en levrette. J'arrive en balle, Alain, pose, street à finir au poste. La concurrence est rare comme DJ Cost. Le trône, je l'aurais boré, uni depuis l'île de Corée. Bracelet doré, j'vaux des millions, pastoré. Frérot, quand la banlieue sale arrive, il se passe quelque chose. Dis au serveur d'ajouter de la cheese, il se passe quelque chose. Numéro 1, frérot, quand on bise, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. Oh oh, quand on arrive, il se passe quelque chose. Oh oh, banlieue sale, il se passe quelque chose. Oh oh, beau maillé, il se passe quelque chose. Oh oh, il se passe quelque chose. Oh oh, quand on arrive, il se passe quelque chose. Oh oh, dans le sale, il se passe quelque chose. Oh oh, beau maillé, il se passe quelque chose. Oh oh, il se passe quelque chose. Ils voudraient tous m'égaler, ils se sont tous égarés, tous régalés. Vous avec le juice du bouc sénégalais, on pourrait tous les calmer, on pourrait tous les cramer. Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat cimetière et pas les victimes. Mon couplet kill kill à Miskina. Tu peux me pull up comme dans une soirée dancehall. Sin Sima. Et j'ai l'image rebelle quand je salis mon cœur. Je suis un sorcier venu du bled, appelle-moi Bac Harry Potter. J'ai pris la vie en doggy strass paillette. Et je ne baisse que des princesses, je finirai dead comme Dodi Alfayette. Noir désir hardcore, je fais du rap rock. Et quand j'arrive, il crie comme si je m'appelais Black Rock. J'enchaîne les classiques et les hits en un des je vous emmerde. Bientôt le zénith, viens et jette un Y en l'air. Frérot, quand ta banlieue sale arrive, je pense quelque chose. Dis au serveur de rajouter de la cheese, je pense quelque chose. Numéro 1. Un frérot quand on bise, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. Oh oh, quand on arrive, il se passe quelque chose. Oh oh, dans le sale, il se passe quelque chose. Oh oh, au maillet, il se passe quelque chose. Oh oh, il se passe quelque chose. Oh oh, quand on arrive, il se passe quelque chose. Oh oh, dans le sale, il se passe quelque chose. Oh oh, au maillet, il se passe quelque chose. Oh oh, il se passe quelque chose. Queenie Bay, El Aouni, on geste ou on s'enjaille? On s'enjaille ou on geste? Il se passe quelque chose.